La puissance vient de chez nous. Si y'a pas, on va chiner. Calibré, on vient chez toi. On vient pas faire du ciné. Non, je veux pas plus tes wo. Tes wo. Non, je t'aime pas tes wo. C'est wo. Charque les derniers bolides, ça ment pas. Que des fous pas d'oubli, ça ment pas. Je veux ce qu'il a zermé, ça ment pas. Sur Paris, j'ai claqué, ça ment pas. Comment il s'appelle Harley? Qu'est-ce qu'il a créé? Comment il s'appelle Harley?